Voici votre butin régional. Activité mijoton ado au Centre culturel de Istinguis le 4 avril. Comme le nom le dit, ça s'adresse aux ados, pour cuisiner et apprendre à cuisiner. La même activité se déroule le 6 avril à la salle Guy Veilleux de Courchire, organisée par le relève du Haut-Saint-François. Inscription et information à facebook.com/relève-hsf ou à larelèvehsf@hotmail.ca ou à 819-86-1508.